mensonges que nous assène au quotidien, tout en sachant très bien que c'est faux, vous voyez. C'est le plus grand holocauste commercial de tous les temps. 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, pour le reste de notre vie. Les puissances en place travaillent chaque minute à nous abrutir jusqu'à notre fin. Alors, pour nous défendre contre ce système et lutter avec force, nous devons apprendre à lire, à stimuler notre imagination, à cultiver notre propre conscience, nos propres spécificités. On a besoin de toutes ces valeurs